Double X on the track, bitch. La nuit je t'aime jusqu'au matin. La nuit je bois, je me noie, je suis de bonne humeur. On jouera des jeux, sortez ma catin. Tellement de chaleur sur ma montre, je ne vois plus l'heure. Les yeux fermés, je fais le tour de la ville. Un collier à l'ail, je tiens sur des vampires. Ego, que tu m'aimes, arrête de le dire. Mytho, ça fait longtemps qu'il y a ton cœur dans un frigo. Il me faut une heure pour compter 100 000. On a compté 2 heures et on était 3. J'ai 18 ans, j'habite à Fleury. La nuit je parle, pas du Détroit. La nuit les petits montent à Bruxelles. Aime la sensation des montagnes russes. Tu sais, des fois la nuit je m'ennuie. Je pars avec une russe à la montagne. La nuit je parle dans mes rêves, yeah. La nuit je plane entre ses lèvres, yeah. La nuit je pense, la nuit je dors peu. La nuit je bande, la nuit je baisse, yeah. La nuit j'attends, je prie pour qu'elle m'appelle, yeah. La nuit elle tremble, crie, elle perd la tête, yeah. La nuit elle souffre, la nuit elle bouffe. La nuit je bande, la nuit je baisse. Noche, noche, noche, noche, noche, noche. Noche, noche, noche, noche, noche. Noche, noche, noche, noche, noche. C'est moi seul, les balles bronzes, mais bon ça tire aussi. Des ennemis demandent pas leur nom, c'est déjà écrit dans l'autopsie. Des mères j'en nique malgré le lit, traces de mascasse sur la bite. Si je donne le lacet pour le crime, oh ben oui. La nuit je fais le point, je fais le bide. La nuit c'est à ce moment qu'elle m'appelle. La nuit c'est pour son homme, pas son mari. La nuit c'est à ce moment que je la ken. La nuit c'est tout ce que l'on veut croire. La nuit c'est nous deux dans le noir. La nuit je pense, la nuit je dompe. La nuit je bande, la nuit je baisse. La nuit je parle dans mes rêves. La nuit je plane entre ses lèvres. La nuit je pense, la nuit je dompe. La nuit je bande, la nuit je baisse. La nuit j'attends, je prie pour qu'elle m'appelle. La nuit elle tremble, crie, elle perd la tête. La nuit elle souffre, la nuit elle bouffe. La nuit je bande, la nuit je baisse. Noche, noche, noche, noche, noche. Noche, noche, noche, noche, noche. Noche, noche, noche, noche, noche. Oh, oh, oh, oh, oh. Sans tout, le billet violet. Si je te voulais, je t'aurais mieux donné. Sois satin de la dentelle, pas te décorer. Jusqu'au matin, je te fais du bien, je vois ta peau dorée. Je veux plus bouger quand je vois ses fesses. On refait l'amour comme des bêtes. Ni à mort de mes nids de la peste. Il est 6 heures, les condés ont voulu m'empêcher. Non, je finis et je viens. Elle voudra pas me chez là. La nuit je parle dans mes rêves, yeah. La nuit je plane entre ses lèvres, yeah. La nuit je pense, la nuit je dors peu. La nuit je bande, la nuit je baisse, yeah. La nuit j'attends, je prie pour qu'elle m'appelle, yeah. La nuit elle tremble, crie, elle perd la tête, yeah. La nuit elle souffre, la nuit elle bouffe. La nuit je bande, la nuit je baisse. Noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche.